Affaires sensibles, du lundi au vendredi sur France Inter, à partir de 15h. Aujourd'hui dans Affaires sensibles, une figure de l'histoire de la transidentité, Coccinelle, pionnière du genre. L'agression de Julia, cette jeune femme insultée et frappée place de la République à Paris le 31 mars dernier, et une nouvelle fois prise à partie dans les rues de Nice il y a une semaine, tout ça pour un mini-short et des airs de garçon trop prononcés au goût de certains, cette agression révèle la transphobie dont les personnes transgenres, donc, font les frais. Une dérive dont la violence n'a d'égal que le courage de ceux qui la subissent, femmes et hommes, aujourd'hui comme hier. Dans la France d'avant 68, Jacqueline Charlotte Dufresnoy, alias Coccinelle, détonne d'audace et d'extravagance. Avec ses énormes choucroutes blondes, ses décolletés plongeants et ses talons hauts, la jeune femme, star des cabarets parisiens, incarne à la fois le glamour et le scandale. Pendant plus de 50 ans, celle qui sera l'une des premières femmes transgenres à changer d'état civil en France ne cessera de provoquer, à dessein, pour contester l'ordre établi. Figure de la nuit parisienne, Coccinelle a fait entrer la transidentité dans l'espace public français à coups de paillettes, de frasques et d'abnégation. Retour sur un destin pas comme les autres, une vie de chanteuse et d'actrice indépendante et virevoltante, la vie d'une femme, Coccinelle. Notre invité aujourd'hui, Emmanuel Bobetti, docteur en sociologie, rattaché à l'Institut National d'Études Démographiques à l'IRIS, l'IRIS, l'Institut de Recherche Interdisciplinaire, en l'occurrence sur les enjeux sociaux. Affaires sensibles, une émission de France Inter, en partenariat avec l'INA, préparée aujourd'hui par Jeanne Mayer, coordination Christophe Barrère, réalisation Hélène Bizio. Fabrice Drouel, Affaires sensibles, sur France Inter. Le premier père transgenre, la première responsable politique transgenre, le premier mariage entre époux transgenre, la première athlète transgenre. En termes de transidentité, comme ailleurs, les médias aiment les pionniers, les précurseurs. Mais la première personne à avoir accompli une transition vers l'autre sexe, la connaît-on? Plusieurs femmes sont parfois considérées comme telles dans cette histoire particulière. L'Allemande Dora Dorschen, Lili Elbe, une artiste danoise, ou encore Christine Jorgensen, une américaine à l'opération hyper médiatisée, sans qu'aucune ne soit peut-être la première des premières femmes transgenres. Pour le cinéma en tout cas, la pionnière, c'est Lili Elbe, peintre danoise et inspiratrice des films de Tom Hooper, The Danish Girl. Si elle n'est sans doute pas la première à avoir bénéficié d'une opération de réattribution sexuelle, Lili Elbe est la femme transgenre la plus médiatisée de la première moitié du XXe siècle. C'est Magnus Hirschfeld, un médecin allemand connu pour son combat contre la persécution des homosexuels, qui va théoriser l'existence d'intermédiaires sexuels et opérer Lili Elbe pour la première fois en 1930. Mais à l'époque, cette chirurgie est encore très expérimentale. Et l'artiste de 48 ans meurt le 13 septembre 31 des suites d'une greffe de l'utérus. Dix jours plus tard, à 1000 km de là, dans le 3e arrondissement de Paris, naît Jacques-Charles Dufresnoy. Fils d'un père laveur de vitres et d'une mère ouvrière, c'est dans la douleur que le petit garçon devient jeune homme. Apprenti coiffeur, puis travailleur du secteur automobile sous la contrainte paternelle, il est moqué, chahuté par ses collègues, car il est petit, efféminé, enfin, à leurs yeux. À 17 ans, Jacques-Charles n'a jamais entendu parler de Lili Elbe, de transidentité, ni même de travestissement, auquel il s'essaie pourtant dans le secret de sa chambre. Eh bien, c'est ce jeune homme mal dans sa peau qui va devenir une figure totémique du monde du spectacle et une pionnière de l'histoire de la transidentité en France. Votre enfance, commençons par là. L'enfance d'un, comme tous les enfants, mais à part que je n'étais pas bien dans ma peau. Vous êtes né un petit garçon? Oui. Incontestablement, et ça ne vous a pas vraiment séduit? Non, pas si du tout. Si j'ai bien compris, d'accord. Et de ça, vous avez pris conscience vite ou... Oui, assez tôt quand même. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous appelez tôt? Dès l'instant où j'ai eu la tête pour voir autour de moi, penser, réfléchir, que j'étais pas bien dans ma peau, que j'étais mieux en femme, comme une femme, et penser comme une femme, Et non pas apporter des cravates, des pantalons, aller à l'école avec les garçons. Alors comment vous avez fait, tiens, au point de vue école, justement? Eh bien, j'ai fait l'école buissonnière, tout simplement. Ah oui, d'accord. Oui, c'est encore une meilleure solution. Après l'école, c'est le service militaire qui l'appelle. Vous savez, ce truc qui fait de vous un homme, un vrai, disait-on à l'époque. Mais après 9 jours de caserne, le conscrit, qui s'appelle encore Jacques, est exclu au motif que son aspect physique, empreint de féminité, je cite, est un mauvais exemple. Pour Jacques, c'est un soulagement, car le jeune homme vient à peine de trouver son monde, et ce n'est pas à l'armée. En 1949, juste avant d'atteindre la majorité, Jacques Dufresnoy entre pour la première fois dans un cabaret transformiste grâce à une ancienne cliente du salon de coiffure où il a fait son apprentissage. Ce cabaret, c'est Madame Arthur. C'est son nom, c'est l'un des plus fréquentés à l'époque à Pigalle. Immédiatement, le jeune homme en a la certitude. Oui, les boas, les perruques, la scène, c'est pour lui. Madame Germaine, la patronne du cabaret, tailleur strict et chignon serré, ne s'y méprend pas. Elle embauche celle qu'on appellera désormais Coccinelle. Paris est alors la capitale mondiale, comme Berlin avant-guerre, des cabarets transformistes. Sur scène, lors de performances qui mêlent chant, danse et imitation, se produisent des artistes qui singent les femmes dans un registre comique, les transformistes donc, mais surtout ceux qu'on appelle alors travestis, des femmes plus femmes que nature, et pas que pour les spectacles. Coccinelle est de celle-là. Maintenant qu'elle a goûté à la vie de femme, maintenant qu'elle se sent un peu elle-même, pas question de redevenir un homme hors de la scène. Et c'est un succès. Cherchez, cherchez la femme. Voyez, je ne cache rien, cherchez bien. En moi, tout le proclame. Que le mot féminin vraiment me convient. L'ambiance du cabaret, c'était un cabaret qui avait un succès fou. C'est-à-dire que le cabaret se vidait, on le remplissait. Il y avait le cabaret de Madame Arthur est au 75 bis rue des Martyrs, à côté de ce qu'on appelle le divan aujourd'hui. Et il y avait la queue pendant 1 heure, 2 heures, ça descendait jusqu'au boulevard pour faire la queue. Et l'ambiance était formidable, parce qu'il y avait 2 animateurs, un normalement habillé, et l'autre qui était habillé en pyjama de soie, qui s'appelait Massova, qui avait un talent d'animateur extraordinaire. Tous les travestis étaient ce qu'on a appelé par la suite des vrais travestis, c'est-à-dire des hommes qui s'habillaient la nuit en femmes, etc. La voix qu'on vient d'entendre, c'est celle de Bambi, une autre icône des cabarets. Quand elle arrive chez Madame Arthur, de sa Kabylie natale en 1954, Marie-Pierre Pruvot, alias Bambi donc, a 19 ans. Coccinelle, qui a 4 ans de plus, c'est maintenant l'une des têtes d'affiche du cabaret parisien. Elle décide alors de prendre Bambi sous son aile. Non seulement les deux jeunes femmes montent un duo, les sisters, mais Coccinelle héberge Bambi chez elle et elle l'incite à sortir en femme, oui en femme, dans la rue, sans craindre le jugement ni le scandale, comme elle le fait elle-même depuis maintenant plus de 4 ans. Au Champs-Élysées, quand on me voit passer, tous les hommes s'empressent de se retourner. Coccinelle ! Quand le long des clous, je traverse tout à coup, à mon passage, l'embouteillage est fou. Je fais tant d'effet que l'agent du trait en avale son sifflet. Oh, mais qu'est-ce que j'ai donc ? Qu'est-ce que j'ai donc ? Qui trouble les garçons, là là ? Est-ce mon petit nez retroussé ? Mes grands yeux étonnés. Qu'est-ce que j'ai donc ? Mais qu'est-ce que j'ai donc ? Mais je suis de Paname, là la raison. Et des vraies parisiennes, je suis l'exception. Coccinelle n'a pas peur de provoquer, c'est sans doute ainsi qu'elle parvient rapidement à se faire un nom dans le monde du spectacle. La jeune femme se montre, autant qu'elle le peut, très fière de sa taille de guêpe. Quand elle ne se produit pas chez Madame Arthur, elle arpente les restaurants, l'hippodrome de Longchamp, l'Opéra Garnier, les grands hôtels, en robe de couturier, dans l'idée de se faire remarquer pour sa beauté et pour sa différence. Et voilà comment elle explique son succès. Ben, ça s'est fait tout seul parce que je sortais dans les restaurants et puis les maîtres d'hôtel ne pouvaient pas garder leur langue. Ils disaient, vous voyez la jolie blonde là-bas? Eh bien, c'est un blond. Et c'est ce qui m'a lancé. Ah oui, ça vous a aidé? Ça m'a aidé énormément. Vous ne pouvez pas savoir. J'ai pas non, eu besoin je ne sais de, pas tellement, non. À l'époque de, d'impresario ni de manager. C'est les maîtres d'hôtel qui m'ont fait, en somme. Bon, mais on ne fait pas une carrière avec ça. Il faut non, quand même faire autre chose. J'ai chanté, mais on ne peut pas dire qu'à l'époque, c'était du délire. D'accord. C'était plutôt de la curiosité. C'est vrai, ce qui attire chez Coccinelle, ce n'est pas forcément la qualité de son chant, non. C'est cette image de parisienne glamour et dévergondée qu'elle exporte dans le monde lors des tournées du carrousel qui attire un public peu habitué des cabarets transgenres. Car après Madame Arthur, Coccinelle intègre un autre établissement plus chic, le Grand Carrousel, 40 rue du Colisée, près des Champs-Élysées. Même patron qu'à Pigalle, Madame Germaine et Monsieur Marcel, mais une clientèle plus fortunée d'hommes d'affaires, diplomates, stars de la chanson, un décor luxueux et une ambiance mondaine, internationale, s'il vous plaît. Avec elle et lui, un cabaret lesbien pour dames messieurs à Montparnasse, Madame Arthur et le Carrousel forment le cœur du Paris transgenre et ne désemplissent pas. À l'affiche, aux côtés de Coccinelle, son ami Bambi, bien sûr, mais aussi Capucine, Zambella, Fétiche ou la Britannique April Ashley. En 1958, le réalisateur Alessandro Blasetti consacre un documentaire « Nuit d'Europe » au Carrousel et à Coccinelle. Extrait. Si les travestis, comme on dit encore, sont à la mode, ils inquiètent une partie de la France des années 50. À l'époque, en vertu d'un décret datant de 49, les spectacles de cabaret sont plus ou moins tolérés, à condition de faire appel à des transformistes et non à des travestis qui restent femmes lorsque le show se termine. Et la police tient à cette distinction. Coccinelle et ses collègues l'apprennent à leurs dépens. À la sortie des cabarets, les brimades, humiliations, contrôles et interpellations sont fréquents. D'autant que les autorités confondent bien souvent transidentité, homosexualité et prostitution. Enfin, il faut l'amalgame. Peu importe la différence, pensent certains policiers du groupe des homos, des PD ou des Vespasiennes du commissaire Jacques Arnal. Oui, comme on a surnommé la section de la brigade mondaine chargée de surveiller les lieux de rencontres homosexuelles. Dans tous les cas, ces personnes subvertissent l'ordre social, alors on les chasse. Madame Germaine, la patronne du Grand Carrousel et de Madame Arthur, interdit donc à ses filles de sortir en filles dans la rue. Jupe, maquillage et talons, pas question. Mais la brigade mondaine fait parfois preuve de zèle et va jusqu'à contrôler les cabarets eux-mêmes. Interdit de s'habiller en femme dans un cabaret transformiste. Une absurdité, bien sûr, que les filles de Madame Arthur vont détourner avec humour. Bambi se souvient, sur France Culture. Il y avait un préfet Léonard, il y a eu un préfet Dubois, l'un valait pas plus que l'autre, et ils étaient tous pareils. Ils ont à un moment donné interdit, fermé les boîtes, parce qu'ils interdisaient dans les cabarets travestis de porter des talons, de porter des perruques et de porter des jupes. Madame Arthur n'a pas fermé quand même, parce qu'elles ont trouvé des tas de choses. Mais le Carrousel, qui était extrêmement sophistiqué et qui portait des crinolines, a fermé pendant un temps. Bon, puis La loi est tombée en désuétude parce que chez Madame Arthur, ils l'ont tourné en ridicule, avec du raffia sur la tête. Il y en avait une qui s'était mis du raffia sur la tête, c'était pas une perruque. Des semelles compensées, c'était pas des talons, etc. Tous des trucages pareils qui ont fini par tourner la loi en ridicule et la loi est tombée en désuétude. À la fin des années 50, les contrôles de la police autour et dans les cabarets se raréfient. Coccinelle peut donc désormais s'habiller et vivre comme elle le souhaite, en femme. Mais l'habit ne fait pas toujours le moine et la jeune parisienne souhaite aller plus loin. En me voyant, je sais ce que vous vous dites, que je ne suis pas vraiment ce dont j'ai l'air. Vous me jugez, comment dire, insolite. Alors regardez-moi en long, en large et en travers. Cherchez, cherchez la femme. Voyez, je ne cache rien, cherchez bien. En moi, tout le proclame. Que le mot féminin vraiment me convient. Je n'ai qu'un seul programme. Ce soir, c'est de tout faire pour vous plaire. Cherchez, cherchez la femme. Vous verrez que je n'ai pas clair d'en avoir l'air. Quand un cycliste perd les pédales, forcément, ça fait un scandale. Quand un jockey n'est plus dans la course, on se dit des membres en source. Quand un coiffeur boucle ses valises, on doit faire sa psychanalyse. Quand un pompier a le feu quelque part, on s'éteint d'un événement si bizarre. Cherchez, cherchez la femme. Son charme est dangereux, oui messieurs, partout dans tous les drames. Toujours c'est une femme qui mène le jeu, elle a tout un programme de trucs qui rendent fou, méfiez-vous. Cherchez, cherchez la femme, c'est elle uniquement la cause de tout. C'est pas mal comme programme. C'est là notre souci, Dieu merci. Et notre joie aussi. On perd des kilogrammes. Ce n'est pas un drame. Suzy. Et même ceux qui nous blâment, un jour change d'avis, c'est la vie. Cherchez, cherchez la femme. Et si vous la trouvez, et si vous la trouvez, et si vous la trouvez, vous en serez ravis. Première étape de la transformation physique de Coccinelle, les hormones. Elle les découvre grâce à Marie-André Schwindenhammer. Ancien capitaine de l'armée française, résistante et internée au camp du Struthof pendant la Seconde Guerre mondiale, cette femme, devenue infirmière, est la fondatrice de la MAO, aide aux malades hormonaux, la première association transfrançaise. Quand Coccinelle prend connaissance des effets des hormones sur le corps de Marie-André, elle n'hésite pas. Bientôt suivie par Bambi, Capucine et d'autres danseuses du carrousel, le cabaret où elles se produisent. Bambi témoigne. Vous savez, il n'était pas question d'aller voir un médecin, de se faire faire une ordonnance. On allait à la pharmacie de la place Pigalle, et puis on disait, par exemple, je voudrais une boîte de vocycline avec une seringue pour les faire. Et puis, bon, on nous donnait une boîte de vocycline. J'ai appris à me faire des piqûres très tôt. Puis je me faisais de temps en temps une petite, sans aucun contrôle médical, et sans savoir du tout à quoi ça correspondait, mais je savais que c'était bien pour moi. Puis je les faisais, voilà. Ou alors du distilbène, on avait des boîtes de distilbène, de temps en temps on variait, au lieu de se faire des piqûres, on avalait quelques distilbène. Sous l'effet de l'ovocycline et du distilbène, la poitrine se développe et la masse graisseuse se déplace, de manière imprévisible, en fait propre à chacune. et c'est avec une très grande satisfaction que Coccinelle observe son corps changer progressivement. Dans le même temps, un nouveau terme fait son apparition pour désigner ces personnes aidées par la médecine à devenir femmes, le transsexualisme, médiatiquement incarné par Christine Jorgensen. Cet ancien GI avait bénéficié au Danemark en 1952 d'une opération de réassignation sexuelle supervisée par l'endocrinologue Harry Benjamin, l'un des penseurs pionniers de l'identité de genre. Le transsexualisme, explique Benjamin, n'est ni une perversion, ni une homosexualité, mais le sentiment d'appartenir au sexe opposé et le désir corrélatif d'une transformation corporelle. Avec l'opération hyper médiatisée de Christine Jorgensen, le transsexualisme est durablement lié, pour les médecins, les autorités et l'opinion publique, à ce qu'on appelait hier « opération de changement de sexe » et qu'on appelle aujourd'hui « opération de réassignation sexuelle ». En France, à la fin des années 50, ce type d'intervention chirurgicale n'est pas autorisé car il est assimilé à une mutilation volontaire, interdite par la loi. Et l'opération de Christine Jorgensen, murmure-t-on à l'époque, n'est pas vraiment réussie. Alors, Coccinelle, qui souhaite se faire opérer, elle aussi, cherche une autre adresse, des recommandations. Et c'est à un feu rouge de Casablanca qu'elle va les trouver. Un jour, une jeune fille, sur sa moto, elle dit « Bonjour, Coccinelle, je suis Jenny, vous vous souvenez de moi ?» Et elle lui dit « Mais on ne vous reconnaît pas, vous êtes toute changée. » Et elle lui dit « Je suis opérée. » Elle dit « Mais comment ça ?»« Ben voilà, j'ai connu le docteur Bureau sur la plage, à Casablanca. Je l'ai supplié d'inventer, parce que c'est un obstétricien, pour nous, pour moi, etc. Il m'a dit « Tentons la chance. » Et voilà, il l'a fait. Coccinelle n'en est pas revenue. Elles sont allées de ce pas chez le docteur Bureau. Coccinelle a pris immédiatement rendez-vous. Ça a fait beaucoup parler au Carousel. Et il s'est dit des horreurs sur ce docteur. À mes yeux, c'est une sorte de saint. C'est donc le docteur Bureau qui va prendre en charge l'opération de Coccinelle à la clinique du Parc à Casablanca. La jeune femme de 27 ans vend des costumes de scène pour réunir les quelques milliers de dollars nécessaires. Et en 1958, l'expression est d'elle, elle se fait enfin rectifier. La dernière phrase qu'elle entend avant de passer sur le billard, c'est le docteur Bureau qui la prononce. « Quand vous vous réveillerez, je vous dirai bonjour mademoiselle. » Après un mois de convalescence, Coccinelle rentre en France, plus en accord avec elle-même qu'elle ne l'a jamais été auparavant. Belle, bien dans sa peau, elle devient un modèle, une inspiration pour d'autres carousels, chez Madame Arthur ou ailleurs, qui suivent bientôt ses traces. À l'heure où le militantisme trans n'existe pas encore, les cabarets parisiens, la clinique du Parc, mais aussi le salon d'esthétique de Madame Bonnet, qui propose à Paris des épilations définitives, deviennent des lieux d'échange et de sociabilité pour toute la communauté, qui trouve là information et bienveillance. Mais les personnes transgenres n'ont pas toutes les mêmes facilités que Coccinelle, et certaines sont contraintes de se prostituer pour financer une opération et un voyage qui coûte cher. Dernière étape de la transition de Coccinelle, celle que l'opération a rendue possible, le changement d'état civil. C'est l'avocat Robert Badinter qui plaide, 9 mois après l'opération, devant les magistrats de la première chambre du tribunal civil de la Seine, réunis en huis clos, en chambre du conseil. Fin 59, c'est officiel, Jacqueline Charlotte Dufresnoy a remplacé Jacques Charles. Elle s'appelait Jacques, elle naît une deuxième fois. Je vais vous chanter une chanson qui veut dire en espagnol, qui veut dire tout. La vie m'a tout donné. Todo, la vida me ha dado todo. Ilusiones, decepciones, enemigos, amistades y el dolor. Y la mejor felicidad, el brillo de las estrellas, las notas de mi canción. Cielo, nubes, mare si sol et además todo su amor et además todo su amor. Loin de garder sa réassignation sexuelle secrète, Coccinelle va faire le choix de la médiatisation, donc le choix contraire. Faire parler d'elle, c'est sa marque de fabrique depuis toujours, son gagne-pain, il faut bien le dire, un vrai talent. Au tournant des années 60, Jacqueline Charlotte Dufresnoy change de cap. On parlera d'elle, oui, mais comme d'une femme respectable, une femme normale. Et une femme normale, en 59, c'est une femme au foyer. Non seulement Coccinelle a tous les charmes de son sexe, mais elle en a aussi les qualités. C'est un vrai cordon bleu, se félicite François, qui souligne également que la jeune femme brode, tricote et ravaude. Mais la plupart des journalistes ne prennent pas au sérieux la transition Coccinelle, souvent traitée avec un discret mépris. Il y a ceux qui masculinisent son nom, ceux qui la différencient des vraies femmes, ceux qui tentent des plaisanteries douteuses du type « aimez-vous le poulet aux hormones ?» À ce journaliste italien qui lui demande si elle s'appelle Giacomo ou Giacomina, Coccinelle promet de lui donner bientôt la preuve de sa féminité. À ses côtés se tient un jeune homme. Giacomo ou Giacomina? Giacomina. Giacomina, ma come ça alors? Ah, c'est possible parce que depuis qu'elle est née, elle s'est toujours appelée Jacques. Et depuis ce temps-là, elle a obtenu son changement d'état. C'est clair, c'est clair. Da quando è nata si è sempre chiamata Giacomo. Ora finalmente ho ottenuto l'autorizzazione a chiamarsi Giacomina. La signorina? Parce que vous pensez que je ne suis pas une femme. Alors il vous faut la preuve. Eh bien, la preuve vous l'aurez quand on se mariera. Voi credete che io non sia una donna? Guardatemi bene. Del resto la prova l'avrete con il nostro matrimonio. A proposito di prova matrimoniale, Mademoiselle Coccinelle va a provarci il velo da sposa. Dans ce reportage, Coccinelle essaie un voile de mariée, car la jeune femme a rencontré quelqu'un. Oui, ce même quelqu'un qu'on entendait là, au début de l'archive. François Bonnet, bientôt 30 ans lui aussi, qu'elle épouse le 16 mars 1961. Un mariage qui attire les fans, les curieux et, bien sûr, les journalistes. La place Jules Geoffrin devient la mairie du 10e arrondissement de Paris et comble quand arrive la Cadillac noire de Jacqueline Dufresnoy et François Bonnet. Coccinelle, chignon blond et robe à jupon se marient donc en blanc. Devant l'adjoint, cependant, car monsieur le maire s'excuse, vous comprenez, il n'aime pas la publicité, monsieur le maire. Tomate à Montmartre pour le mariage de Coccinelle, titre alors Le Parisien. Comme prévu, les bien-pensants se scandalisent, d'autant qu'après la mairie, c'est à l'église que se rendent les deux amoureux. À Saint-Jean de Montmartre, Coccinelle devient Jacqueline Charlotte Bonnet devant Dieu. Une cérémonie discrète qui dit toute la duplicité de l'église devant ce cas de figure inédit, car c'est en tant qu'hermaphrodite de naissance et non transgenre que la jeune femme accède au sacrement du mariage. Même si certains jettent encore des tomates, pour la première fois, grâce à Coccinelle, la transidentité entre dans l'espace public par le biais de ce que l'opinion considère comme la normalité, le mariage. L'amour et les enfants, Jacqueline et François Bonnet, veulent adopter. Parce qu'elle se marie, Coccinelle gagne donc une certaine reconnaissance sociale et la transidentité devient un enjeu de société, une mise en lumière qui ne déplaît pas qu'aux conservateurs. Après le mariage de Coccinelle, il y a eu un blocage total. Alors certains en voulaient à Coccinelle d'avoir tout fait bloquer par ces scandales, par ce mariage, etc. C'est-à-dire que les gens, j'entends parler des juges et des médecins, des gens qui ne s'étaient jamais intéressés à ça, tout d'un coup s'est dit « mais voilà, on pourrait se saisir de cette question, on aurait une autorité supplémentaire, je suppose que c'est comme ça, c'est scandaleux, c'est affreux, mais arrêtons ça », voilà ce qu'ils se sont dit. Alors ils ont bloqué autant qu'ils ont pu, et puis c'est difficile, il y a des choses qui sont imbloquables. « Effectivement, l'administration va bloquer le changement d'état civil en France pour les personnes transgenres, pourtant assez facile à obtenir jusqu'alors, à condition d'être opéré, bien sûr. Quant au Conseil de l'Ordre des médecins, il réaffirme à la même époque son opposition aux opérations dites de castration. Un mariage aux conséquences inattendues donc, et un mariage éclair. 9 mois après s'être dit oui, Coccinelle et François Bonnet se séparent. Nous sommes le 13 novembre 1962. Coccinelle divorce. Coccinelle, ou plutôt Jacqueline Charlotte Dufresnoy. Coccinelle se plaint de violence et de trahison renouvelée. Que dit son mari, Francis Bonnet ? Il soutient, lui, que le mariage est nul. Malgré son opération, dit-il, Coccinelle est et reste un homme. Le mariage n'a jamais été consommé. C'est la première fois en France que se pose un tel casse-tête juridique. Le magistrat va devoir réfléchir et bien réfléchir, nous dit Robert Cario, avant de savoir à quel sexe appartient Coccinelle. Est-elle ou est-il homme, femme ou les deux ? Mais juridiquement, le choix s'oppose au magistrat entre le divorce ou l'annulation du mariage. Au terme d'un casse-tête judiciaire sans précédent, Coccinelle obtient le divorce et reste une femme au regard de la loi. Après quelques mois, c'en est donc fini de la Coccinelle épouse, cuisinière et future mère. Coccinelle redevient Coccinelle, une star. Mais désormais, maintenant que tout le monde la connaît, elle veut plus, elle veut plus grand. Elle arrête le carrousel et se lance dans une carrière multiforme hors des cabarets parisiens. Dans les années 60, elle enregistre 3 45 tours et se produit à l'Olympia dans le spectacle « Chercher la femme », écrit et mis en scène par le fondateur de la scène parisienne, Bruno Cocatrix. Elle tourne également dans plusieurs films en Espagne, en Italie, en Argentine. Dans cet extrait de Los Viciosos de Enrique Carreras, elle joue son propre rôle. Bonjour madame du journal populaire. Vous permettez, je voudrais vous poser quelques questions. Si elles ne sont pas trop indiscrètes. Vous permettez que je me change devant vous ? Oui. Alors allez-y, comment vous... Bon, alors, quelle opinion avez-vous des hommes ? Ils sont instables, ils changent souvent. Vous êtes bien placé pour le savoir. Et des femmes ? Je n'ai pas encore le temps de les connaître. Vous permettez une photo ? Oui. Comme ça ? Oh, ben, vous ne trouvez pas que c'est un petit peu enfantin ? Pourquoi ? Comme femme, je n'ai que 4 ans. Vous permettez un petit changement ? Assez de changement. En 1966, elle épouse Mario Florentin Hems, danseur de music-hall et fils du consul général du Paraguay en Colombie, qu'elle a rencontré à Buenos Aires lors d'une tournée. Car quand elle ne tourne pas pour le cinéma, Coccinelle chante et danse à l'étranger. Amérique du Sud, Japon, Australie, Allemagne, États-Unis. Ambassadrice de glamour à la française et de la transidentité, elle va exporter son image iconique sur les scènes du monde entier pendant près de 20 ans. Les années 70 et 80 en France se feront donc sans Coccinelle, prise ailleurs. Et tandis que la culture des cabarets perd de sa superbe, la communauté transgenre française, de plus en plus importante, s'engage dans une nouvelle ère, le militantisme. En 1975, le transsexualisme fait son entrée dans la classification internationale des maladies de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, parmi les troubles mentaux et perversions sexuelles, aux côtés de l'homosexualité. En 80, il est intégré au DSM, le manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux, une bible à laquelle les médecins du monde entier se réfèrent. En 79, le protocole, comme on l'appelle, est mis en place à l'hôpital Fernand Vidal par le psychiatre Jacques Breton et une équipe pluridisciplinaire. Un protocole de réassignation sexuelle qui comprend un suivi psychiatrique, un traitement hormonal et éventuellement, si les psychiatres donnent leur accord, une opération. Sur France Culture, Bambi, l'ancienne danseuse du carrousel et amie de Coccinelle, devenue professeure de français dans les années 70, déplore l'importance donnée aux psychiatres. Comment vous auriez réagi si, comme aujourd'hui, il vous avait fallu suivre un processus pour faire ce que vous avez fait finalement assez librement ? Tout à fait librement. Je crois que j'aurais fait comme tout le monde, parce qu'il est très difficile de ne pas faire comme tout le monde quand on est dans un flux et on le suit. Mais ça m'aurait humilié. Aller chez un médecin, c'est déjà être un peu malade, vous comprenez. Qui me dit que les psys ont la science si profonde et si sûre qu'ils vont décider de ma vie ? C'est trop délicat. Quant au changement d'état civil, il faut attendre 1992 et une condamnation de la France par la Cour européenne des droits de l'homme pour que les personnes transgenres en obtiennent officiellement le droit. À une condition, la stérilisation. Une législation qui ne prendra fin qu'en 2016. Dans les années 90, de retour en France après des années passées à l'étranger, Coccinelle tente de son côté de renouer avec le public de son pays. Un livre, un dîner-spectacle chez Madame Arthur, des plateaux télé, un troisième mariage à 65 ans, en direct sur TF1, des tentatives plus ou moins réussies pour faire parler d'elle. Donc, bilan, auto-évaluation. Même si mon présent et mon futur n'est pas pareil, j'ai quand même eu une vie fabuleuse, il n'y a pas d'autre mot. Je me trouve très bien comme je suis, je ne veux pas essayer d'imiter quelqu'un. Maintenant, ce sont les autres qui m'imitent, vous voyez ? Comme les choses changent. Par exemple, chez Michou, ou dans les boîtes, elles font toutes cette chanson que j'ai créée à l'Olympia, chercher la femme. Elles m'imitent. Ah oui, je suis pas morte encore. Ce qui me ferait pas plaisir, par exemple, c'est si j'allais au Festival de Cannes et qu'aucun photographe se précipite sur moi. Alors là, ce serait le coup de grâce. Là. C'est fini pour moi. Je dirais, ça y est, c'est fini, la cousine, elle est morte, elle est balayée, on n'en parle plus. Mais comme jusqu'à présent, ça marche toujours, ça me fait plaisir. Mais je voudrais pas vivre complètement dans l'anonymat, non. Un petit peu de coccinellade, quand même. Coccinelle meurt à 75 ans des suites d'un accident vasculaire en 2006. Figure de la culture cabaret transgenre, audacieuse et scandaleuse, elle a révélé aux yeux du grand public l'existence de la transidentité dès les années 50. Une personnalité unique dont les frasques, les mariages et les froufrous auront permis de donner une visibilité à la communauté trans, pour le meilleur et pour le pire. Dis maman, pourquoi je suis pas un garçon ? Je suis un garçon, et pour moi. Affaires sensibles, Fabrice Drouel. Aujourd'hui, l'histoire de Coccinelle. Notre invité, Emmanuel Beaubaty. Bonjour. Bonjour. Vous êtes docteur en sociologie rattaché à l'IRIS. Alors, on va clarifier les choses concernant l'IRIS, puisqu'il y a des acronymes qui appartiennent à plusieurs institutions. C'est le même acronyme. Donc, l'IRIS, en l'occurrence, ce n'est pas l'Institut de Relations Internationales et Stratégiques dont il est question là, évidemment, mais l'Institut de Recherche Interdisciplinaire sur les enjeux sociaux, voilà. C'est clarifié. Coccinelle, qui a participé à associer aux yeux de l'opinion publique transidentité et scandale, est-ce que c'est une figure qui met tout le monde d'accord dans le militantisme transgenre? Bon, alors je pense qu'aucune figure unique ne peut mettre vraiment tout le monde d'accord. En tout cas, c'est une personne qui est un personnage qui a été controversé, notamment au motif qu'elle aurait été trop scandaleuse ou provocante, comme vous, c'est des mots qui ont été évoqués. Mais parce que finalement, c'est relié à une époque. Hein, faut le c'est relié à une époque, mais c'est aussi relié, à mon avis, à des questions de genre peut-être, parce que aussi. Je me demande si Coccinelle avait été un homme trans, est-ce qu'on aurait dit qu'il était scandaleux et provocateur, je ne suis pas sûr. Donc voilà, elle a eu un mode de vie qui est un mode de vie parmi tant d'autres, mais il y en a d'autres et il faut aussi savoir que voilà, la population trans n'était et n'est toujours, ne ressemble pas voilà, forcément à la trajectoire qu'a eu Coccinelle. Oui, d'autant plus que les personnes transgenres sont souvent associées à une image glamour, une hyper-féminité un peu cliché. C'est quelque chose qu'on doit aussi à Coccinelle au passage. Alors, et à quelques autres, Bambi. Alors, bon, c'est effectivement là encore des questions de genre qui se jouent. Ce sont des femmes et à mon avis, il y a ici des représentations qu'on retrouve aussi chez des femmes qui ne sont pas trans. L'idée de une femme doit forcément être glamour, savoir se montrer séduisante aux yeux des hommes, c'est quelque chose qui est finalement imposé à toutes les femmes. Et dans ce sens, je pense que effectivement, les figures de femmes trans, voilà, ont pu être présentées comme telles parce que tout simplement elles étaient des femmes. Alors, le postulat concernant cette volonté de changement de sexe, on la rappelle de façon simple. On prend un exemple. Je suis un homme, j'ai une psychologie de femme, donc il y a un décalage qui me fait souffrir. Ou le contraire, d'ailleurs, ça marche dans les deux sens. Est-ce que c'est ça, le postulat psychologique? Alors, je ne sais pas s'il y a un postulat psychologique. Bon, tout le monde ne témoigne pas d'une certaine souffrance, voilà. Mais ce qui est important, c'est qu'il y a toute une diversité, en fait, de manières de vivre une transition, un changement de sexe. Il y a différentes manières il y a différents types de parcours trans, qui sont plus ou moins médicalisés, d'ailleurs. Il y a aussi une diversité de manières de le vivre, ce qui ne s'accompagne pas forcément d'une souffrance psychologique de ne pas se sentir dans le bon corps. Ça, c'est un discours que utilisait Magnus Hirschfeld, que vous avez évoqué, mais qui aujourd'hui n'est plus forcément... J'ai dû trop le lire. n'est plus forcément commun. Ouais. Un propos m'a quand même interpellé. Moi, je crois que c'était Bambi ou Coccinelle qui l'a tenu, mais c'est... Peu importe, elle pensait la même chose dans le même combat. Trop de pouvoir aux psy. Trop de pouvoir aux psy. Parce que c'était une souffrance quand elle l'a dit. Mais moi, je veux pas qu'un psy décide de ma vie. Les psys ont trop de pouvoir sur ce terrain-là. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, elle parle effectivement du protocole qui a été introduit à la fin des années 70. Et qui est aujourd'hui dans extrêmement ce protocole, choquant. Dans extrêmement ce protocole, choquant. Voilà, de quoi s'agit-il? Il s'agit d'un parcours médical qui impose donc aux personnes qui souhaitent transitionner d'en passer par une évaluation psychiatrique. Et aujourd'hui, c'est même avant les hormones, hein, contrairement à ce que disait Bambi dans le documentaire. Voilà, il faut en passer par une évaluation psychiatrique. Les recommandations internationales, c'est une durée de 2 ans. Avant de pouvoir accéder aux hormones et aux chirurgies. Donc effectivement, c'est quelque chose qui est très controversé dans le cadre des mobilisations collectives trans qui ont vraiment émergé en France dans les années 90. C'est quelque chose qui est dénoncé par beaucoup de mobilisations au motif du droit à disposer de son propre corps, évidemment, et de la pathologisation que ça peut engendrer. Donc c'est important de détacher la transidentité de la souffrance psychologique. Alors, si on veut aborder le problème de la façon la plus lucide possible. Alors, je ne sais pas s'il s'agit de les dissocier, mais en tout cas, il faut avoir conscience peut-être de la relation de causalité qui existe entre les deux. C'est-à-dire que dans la situation dans laquelle on est aujourd'hui, je ne suis pas sûr que ce soit la pathologisation qui génère la souffrance. Enfin, je ne suis pas sûr que ça soit... Enfin, si, c'est ça que je voulais dire. En fait, c'est pas parce que finalement les trans souffrent qu'ils sont pathologisés, c'est plutôt l'inverse, je dirais. C'est-à-dire que c'est la pathologisation qui les fait souffrir. C'est-à-dire que voilà, quand on met une étiquette à quelqu'un de en disant que c'est quelqu'un de déviant par rapport à une certaine norme sociale, eh bien effectivement, c'est ça qui peut éventuellement engendrer de la souffrance. C'est comme pour l'homosexualité. Les homosexuels ne souffrent pas parce qu'ils sont homosexuels, mais parce qu'on leur rappelle constamment qu'ils ne sont pas hétérosexuels. Alors, on voit que s'il y a souffrance, elle est imposée par la société. Mais vous avez dit tout à l'heure, il n'y a pas forcément de transidentité avec souffrance. Comment ça se passe quand ça se passe bien, si j'ose dire? Eh bien, non, en fait, c'est important de parler aux, tout à fait, tout à fait, de ceux pour qui se passe bien. En fait, je pense qu'il y a du bien et du moins bien dans chaque parcours en fait individuel. Hein. Mais en tout cas, effectivement, on a tendance à moins voir ça, notamment dans les médias, etc. C'est-à-dire que les trans fascinent énormément. Vous voyez, notamment les personnages de Coccinelle ou Bambi que vous avez évoqués étaient souvent présentés comme des figures complètement extraordinaires, soit hypersexualisées, soit au contraire très chastes. Voilà. Mais en tout cas, je dirais que les parcours trans, ce n'est pas, c'est finalement beaucoup plus nuancé, beaucoup plus concret aussi au quotidien. Et beaucoup moins glamour en fait que tout ça, c'est-à-dire que c'est aussi des vies quotidiennes qui ressemblent à celles des personnes qui ne sont pas trans, et c'est aussi effectivement un certain nombre de contraintes et de soucis d'ordre administratif pour les questions de papier. Il y a aussi certaines discriminations, des violences, voilà, une certaine actualité en ce moment à ce sujet. Mais en tout cas, c'est des vies qui sont très complexes en réalité, comme les vies de tout un chacun. Et aussi la famille, c'est évidemment important. Ça nous renvoie à un reportage que j'avais effectué en Suisse dans les années 90, que j'avais intitulé « Elle s'appelait Jean-Michel ». Et donc j'avais rencontré la famille, on avait dîné dans le garage, parce que ça sent la raclette en Suisse, on dit dans le garage. Et je demande à la mère, je dis « mais c'est votre... » Donc c'était un homme devenu femme, « c'est votre fils, c'est votre fille ». Elle me répond « c'est mon enfant, monsieur ». Et cette personne a bien vécu ce passage d'identité femme-homme, identité femme, parce que précisément sa famille l'a soutenu. C'est important. Exactement. Ça. Mais voilà, c'est en fait, comme je le disais, voilà, tout simplement, la souffrance n'est jamais intrinsèque. C'est quelque chose qui est lié à un ordre social. Et effectivement, les personnes, ça c'est très important, par exemple, les questions à la fois familiales, de soutien familial et de rupture familiale et la situation professionnelle de la personne, ce sont des facteurs qui, évidemment, ce sont des environnements soutenants, favorisent le bon déroulement de la transition, en effet, bien sûr. On va écouter ensemble une archive qui remonte à 2001, où l'on entend le professeur Révol de l'hôpital Saint-Louis de Paris décrire la prise en charge du transsexualisme dans les hôpitaux français. C'est une pathologie purement mentale. Et bien entendu, les patients sont examinés par le psychiatre en permanence, par l'endocrinologue de temps en temps et par le chirurgien lorsque le dossier semble évoluer vers une authentification du diagnostic. C'est une transformation hormonochirurgicale, d'abord réversible et puis irréversible, et une transformation chirurgicale qui naturellement est irréversible, puisqu'elle comporte une castration. Vous utilisez le mot castration? C'est le mot médical, oui. Et votre conscience à vous dit quoi? Mutilation dit... Actuellement, ma conscience, et depuis plusieurs années, j'ai la très ferme conviction que le transsexualisme authentique est une vraie maladie. Voilà, bah comme ça c'est clair, c'était en 2001, il y a donc 18 ans, on tenait parfois des propos comme celui-là. Aujourd'hui en 2019, est-ce que c'est toujours le cas? Je crois que non, heureusement, on a fait des progrès, la société a fait des progrès dans la tolérance des minorités ou ceux qui sont différents. Mais est-ce qu'on est vraiment, concernant le transsexualisme, si éloigné de ce genre de jugement qui remonte à 2001? Alors, je ne suis pas sûr. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que le corps médical est hétérogène, donc tout le monde ne tient pas ce discours-là dans le corps médical. On sent un sociologue quand même, qui jamais ne généralise. Donc, voilà, donc il y a une certaine hétérogénéité, mais c'est un discours qui existe encore et qui ne correspond pas forcément à la diversité qui peut exister dans la population trans. Parce qu'en réalité, il y a beaucoup de personnes trans qui ne souhaitent pas, par exemple, avoir recours à l'opération, la chirurgie de réassignation. C'est d'ailleurs une pratique qui est minoritaire dans la population trans. Voilà, c'est un discours qui ne prend pas forcément en compte cette pluralité. Voilà. Comment vit-on une transidentité sans opération? Alors, bon, je ne sais pas exactement comment la vie sans opération, mais en tout cas, c'est un type de parcours qui est extrêmement courant, parce que tout simplement, en fait, la transition ne se résume pas à l'opération. Et d'ailleurs, La plupart des transitions se font sans opération, mais surtout, une opération, ce n'est qu'une opération, en fait. Et la transition, c'est un changement qui est avant tout social. C'est un changement qui est social dans la famille, dans le travail, donc dans les études, dans le champ administratif aussi, évidemment, la question des changements des papiers, etc. C'est tout ça, en fait, une transition principalement, beaucoup plus qu'une opération. Et ça évolue aussi dans le champ lexical. On parle maintenant de la dysphorie de genre, plus de transsexualisme. C'est une expression qui a fait son entrée en 2013 dans le DSM-5, le manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux. On va écouter la définition qu'en donnait Alexandre-Auguste Merelle sur France Culture, et là nous sommes en 2007. En fait, cette dysphorie, elle provient d'une confusion qu'on peut faire justement entre le sexe, entre le biologique et le genre, qui est plus de l'ordre de l'identité et du rôle social. Tant qu'on a cette confusion entre le biologique et le social et le psychique, on peut souffrir de son propre corps. Par exemple, une personne se sent plus à l'aise dans le rôle féminin, dans le rôle social, parce que c'est sa personnalité, elle s'est construite comme ça, et qu'elle a un corps mâle, du coup elle peut mal se sentir dans sa peau, dans son corps. Et ça demande un vrai travail, finalement, plus de prise de conscience que de modification corporelle aussi. Ça se joue effectivement sur les deux tableaux. Le but de ce qu'on appelle une transition, de ce que vivent en fait les personnes transgenres, c'est ça, c'est ce cheminement pour se détacher de ses rôles et être bien dans sa peau, quoi. Alors là, tout simplement, si j'ose dire, parce que évidemment, c'est difficile, mais c'est bien ça le but. Ça renvoie à ce qu'on disait, à ce décalage entre l'enveloppe corporelle et le psyché. Oui, tout à fait. Après, je ne serais pas tout à fait d'accord avec ce qui a été dit sur le sexe biologique. Mais tout simplement parce que je considère que le sexe biologique est lui-même une donnée qui est sociale. C'est-à-dire que, il y a beaucoup de... C'est un discours très répandu, le fait que voilà, le genre serait construit socialement et le sexe serait la donnée biologique. Mm-hmm. Mais finalement, le sexe aussi n'a rien de naturel. C'est une construction sociale. C'est-à-dire que les organes génitaux, par exemple, d'une personne, voilà... Non de signification sociale si puissante que parce qu'on veut bien leur en donner une. Et d'ailleurs, la différence des sexes, c'est une invention relativement récente, qui date du XVIIIe siècle. Avant cela, on considérait simplement que les femmes étaient des hommes qui n'avaient pas vraiment achevé leur développement in utero. Oui. Ah oui. Et donc, c'est une invention finalement relativement récente, la différence des sexes. Oui. Finalement, la question, c'est plutôt de savoir quelle est la définition qu'on a du genre. Il y a la plupart des gens qui considèrent que qui désigne par là l'identité de genre des individus, mais le genre, c'est aussi un rapport social qui produit en fait ces catégories de sexe et donne aux organes génitaux des individus une signification sociale si discriminante. Ouais. Alors comment on explique aujourd'hui, outre le constat primaire, qu'il y a des gens moins tolérants que d'autres, évidemment, c'est important et incontournable, mais comment on explique l'agression dont a été victime Julia par deux fois, y compris à Nice, elle a été prise à partie encore vendredi dernier, le 27 avril. Comment on explique ça? Alors, malgré tout l'effort d'information, d'éducation. Eh bien, moi je pense que ce qui s'est déroulé avec cette agression comme avec les autres, c'est un rappel à l'ordre du genre. Hein. C'est-à-dire que, on vit dans un ordre du genre dans lequel les hommes et les femmes, voilà, il y a des catégories hommes et femmes qui sont produites, différenciées, hiérarchisées. Et effectivement, quand on transgresse cet ordre, eh bien, il y a un certain nombre de sanctions sociales qui sont particulièrement marquées d'ailleurs pour les femmes trans, hein, puisque le fait de quitter le sexe masculin quand on vit dans une société patriarcale, c'est une décision qui semble absurde aux yeux de beaucoup. Finalement, j'attribuerais ça à tout simplement la domination masculine, l'ordre du genre, rappelons-le comme on le veut. Emmanuel Beaubaptiste, ce sera le mot de la fin. Merci infiniment pour vos éclairages de sociologue. Je rappelle que vous êtes docteur en sociologie et un jeune docteur. Au revoir. Au revoir. C'était Affaires Sensibles aujourd'hui. Coccinelle, une émission que vous pouvez réécouter en podcast sur franceinter.fr. Rendez-vous également sur la page Affaires Sensibles du site de France Inter pour toute information complémentaire à notre émission. Et si le cœur vous en dit, vos commentaires. Et merci à toute l'équipe, puisque nous sommes jeudi, qui a préparé les Affaires Sensibles de cette semaine. Rédaction et recherche documentaire, Simon Maisonneuve, Adrien Carra, Jeanne Maillère et Margot Pinel. Attaché de production, Valérie Priollet. Coordination, Christophe Barrère. Lecture, Philippe Pirard. Reportage, Anaëlle Verzo. Réalisation, Hélène Bisio. À la technique aujourd'hui, Tristan Gratalon.